l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non, non pas Saran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! Want me to hide all my feelings. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur tous les mardis en direct de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Ce soir on est avec Mouloud, Fatima, ici sur le plateau, et on a bien sûr Robinson, Raphaël et Simon. Bonsoir. À la technique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Jeanne qui vient d'arriver. Salut. Qui va pas tarder à nous rejoindre sur le plateau. On va parler un petit peu du mouvement Stop Corruption, qui a lieu tous les dimanches sur Place de la République, en fait, et qui appelle aux gens de se rassembler, tout ça, pour dénoncer un petit peu la corruption et s'étonner qu'il y ait des candidats corrompus qui se présentent à l'élection présidentielle. Puis après, on recevra un représentant de l'UTC par rapport aux événements qui se passent en Guyane actuellement, et du coup, le pourquoi et le comment. Et on va parler un petit peu aussi du décès de Monsieur Shaoyo Liu, qui a été assassiné par des policiers de la BAC dimanche, en fait, dans le 19e, chez lui, devant ses quatre enfants. Et là, on va faire une petite pause musicale que Robinson va nous insérer. Hein ? C'est quoi le problème ? Les histoires de bonne conscience, ça reste des théorèmes. Criminel dans la rime, je pars en vert vers la cime, sans regarder derrière, parce que derrière y'a l'abîme. J'ai la conscience tranquille, la science n'est pas versatile. J'la place au centre de mes deals, en sorte qu'elle berce de style. Y'a pas de problème, y'a qu'un conflit, c'est celui contre soi-même. Mais ça se complique si tu te connais pas toi-même. Si on t'enferme dans une guerre entre flics et délinquants sur peine, où les seuls qui t'écoutent sont les mêmes qui te malmènent. Ouais, t'intéresses, mais les flics, intéressants par le fric. L'État voulait pas t'entendre, là ils t'écoutent même, te kick. L'éducation, c'est au poste, le vice, la galère, le vide. Et quand t'allumes ton poste et que t'écoutes mes rap l'orbite, tu monteras dans mon estime, plus grand sera ton délit. Mais toi seul a fait ce choix, tu l'assumes à ton défi. Parce que tu ne cherches qu'à monter, je vois que tu perds la bonté. La notion d'être effronté, agir comme un disjoncté. Tout pour le genre art, c'est la rue et le show business. Mais ton sourire monte le stress, ton fou rire remonte les restes. Grand rêve, je t'apprenais dans la boue, mais t'as le flou, ce qu'est scotché. J'enlève bâtonnet dans la roue, mais pas un boulet au pied. Ton esprit fait surface quand les billets prennent les rênes. Avec une fête du surplace, même si tu pars dans des rêves. J'acquiesce quand tu dis, j'ai tout niqué dans mon domaine. Mais pas quand tu me regardes et que tu dis, y a pas de problème. C'est quoi le problème? C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires de bonne conscience, ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel. C'est juste ressortir l'innocence et tout fait sous l'oseille. Ouais, c'est quoi le problème? C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires de bonne conscience, ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel. C'est juste ressortir l'innocence et tout fait sous l'oseille. Tu vis dans un monde en coton, t'as peur qu'il absorbe la merde. La peur te hante parce qu'elle colle celui qui a tout à perdre. Enferme-toi dans ta classe supérieure, tu m'entends pas vu de l'intérieur. Ne pensant qu'on marche d'un futur ultérieur. Sans perdre, je rêve de gloire, mais sans poser mon cul sur les pleurs. Est-ce possible de voir la richesse sans faire plus d'erreurs? Les gens s'agitent, faut pas qu'il fasse trop noir. Le soir, les rues de sexe et drogue font effet entonnoir. Y'a autant d'ignorance en France qu'il y a de pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pour les riches la nuit sur le contre-toit. Et pour les autres trottoirs qui, même jour, ne sont pas beaux à voir. Je sais que même si tu penses un peu, tu prends un Mars et repars. T'en as laissé dans la mer, terre pour pouvoir monter l'étage. Quand t'y repenses, si t'as des blocages, des remords, la rage, faut que ta mémoire vide cette case. Donc t'ouvres la cage, c'est que ça part si facilement quand on tourne la page. Page tournée pour ceux qui peuvent avec bonne conscience, pour tous ceux qui peuvent trahir celui de bonne confiance, pour tous ceux qui peuvent agir qu'avec leur non-sens, pour tous ceux qui peuvent nourrir le monde qu'on t'en pense. Ton esprit fait surface quand les billets prennent les rênes, avec une fée que tu surplaces même si tu pars dans des rêves. J'acquiesce quand tu dis j'ai tout niqué dans mon domaine, mais pas quand tu me regardes et que tu dis y'a pas de problème. C'est quoi le problème? C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires bonne conscience ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel. C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille. Ouais c'est quoi le problème? C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires bonne conscience ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel. C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille. Ouais c'est quoi le problème? C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires bonne conscience ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel. C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille. Hein, c'est quoi le problème? C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires bonne conscience ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel. C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille. Hein, c'est quoi le problème? C'est que tu vois pas le problème. C'est juste que les histoires bonne conscience ça reste que des théorèmes. Tu cherches un soleil, c'est quelque chose de personnel. C'est juste ressortir l'innocence étouffée sous l'oseille. Nos parents, ok, ils parlent peut-être pas la langue parfaitement, ils parlent pas autant que nous, ils savent peut-être pas autant de choses sur la France que nous, mais n'empêche qu'ils payent leurs impôts, ils payent les loyers, ils payent l'essence ici, l'argent qu'ils gagnent, ils ne vont pas l'investir au pays, ils ne peuvent pas. Ils l'investissent ici. Et qu'est-ce que tu parles d'intégration? Forcément, on est forcément intégrés. Bonsoir à tous et à tous et re-bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur en compagnie de Mouloud, Fatima, Jeanne, Simon, Robinson et Raphaël. Et du coup, on va enchaîner avec Sophie qui est du mouvement Stop Corruption. On peut retrouver la page sur Internet, c'est Facebook, Stop Corruption, hashtag Stop Corruption. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, écoute, c'est beaucoup de boulot d'essayer de mobiliser en France. Mais ouais, c'est... Du coup, juste pour rappeler à tout le monde, en fait, on s'est rencontrés tous les deux, il y a deux dimanches de ça. Quand il y a eu juste après la marche. On s'est rencontrés à la place de la République, ouais, ouais. Qui est venu à un des rassemblements qu'on a organisé. On organise des rassemblements depuis le 19 février, tous les dimanches, place de la République, à 15h. Des rassemblements pour faire du bruit, dénoncer, expliquer tout ce qu'est la corruption. Tout ce qui se passe en France et à quel point c'est antidémocratique, antirépublicain ce qui se passe et que ça nous met vraiment en danger quoi. Et du coup, on fait ces rassemblements. On a fait également un mercredi un rassemblement devant, enfin à côté de l'Assemblée nationale. Et là, on a prévu pour dimanche là qui arrive de faire un gros rassemblement concert de casseroles devant l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il y a un événement sur Facebook où j'invite tous les auditeurs, s'ils veulent bien, aller se connecter sur la page Stop Corruption, hashtag Stop Corruption sur Facebook. Et il y a un compte aussi Twitter qui s'appelle @MoveStopCorrupt. Et notre logo, c'est un petit drapeau bleu-blanc-rouge en aquarelle. Avec une casserole qui est brandie devant. Je dis ça parce que avec les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui s'autoproclament organisateurs d'événements sans être réellement militants sur le terrain et qui ont créé plein de pages, plein de groupes en parallèle. Alors, ça peut paraître un super truc qui va diffuser, etc. Mais en fait, c'est... Le problème, c'est que ça dilue l'information et du coup, il y a plein d'éléments parallèles qui se créent. On ne sait pas qui fait quoi. Et il est arrivé surtout que ces gens-là n'organisent pas réellement des rassemblements. Et voilà, en réalité, ça perturbe pas mal le mouvement. Donc, Hashtag Stop Corruption. Je voulais savoir, Sophie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire du mouvement, l'origine? Pourquoi vous en êtes arrivé là et tout ce qui vous a motivé en fait? Alors en fait, moi personnellement sur Facebook, j'ai vu passer un événement par un copain Facebook, Vincent Galtier, qui est photographe. Je l'ai vu relayer cet événement Et j'ai trouvé que l'appel était super bien écrit. Ce qui m'a touchée, c'est que c'était un événement qui venait d'un simple citoyen et qui précisait que c'était un appel à partisans, non syndical, non récupéré et pacifique surtout. Et je pense que les gens ont envie de s'investir dans des choses où ils savent qu'ils vont pas être mis en danger et surtout ils ont envie de s'investir dans des mouvements qui mobilisent beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais où il y aura pas de de casse, de débordement, d'agression. Voilà, parce que c'est un peu ce qui a pénalisé, je pense, le mouvement social ces derniers mois. Ça a été aussi les affrontements avec la police, quoi. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a touchée. J'ai vu cet événement circuler. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui le relayaient. Il y avait de plus en plus d'inscrits. Moi-même, je l'ai relayé dans tous les réseaux où je pouvais. Je m'occupe moi-même de plusieurs réseaux sociaux. Je m'occupe du réseau Touche pas mon intermittent et de Paris Debout, puisque j'ai fait partie des personnes très mobilisées à Nuit Debout. Et voilà, on a relayé, on a vu que l'événement prenait et on s'est retrouvés à 2000 personnes place de la République le 19 février. Et en parallèle, il y a des mouvements qui se sont montés dans plein de grandes villes de France, à Strasbourg, à Nantes, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Toulouse, il y a eu des rassemblements un peu partout. Donc ça, c'est hyper positif parce que ça montre bien qu'il y a un ras-le-bol général, quoi. Que les gens en ont vraiment marre de ce qui se passe et que là, ça peut plus durer. On peut plus rester juste à écouter les infos, à observer, à voir ce qui se passe, à être dépité. Et c'est plus possible. Il faut qu'on prenne nos armes citoyennes. Voilà. Donc on mobilise et on compte bien ramener plein de monde devant l'Assemblée nationale dimanche à 15h avec des casseroles pour faire beaucoup de bruit. Et voilà. Du coup, le nom, c'est Stop Corruption. Ouais, j'imagine que ça axait beaucoup sur la corruption politique ou par exemple d'une certaine classe sociale assez aisée qui corrompt les hommes politiques également. Et tu peux nous en parler un petit peu plus ? C'est quoi ? C'est les élections présidentielles qui a réveillé un petit peu ce mouvement ou c'est juste un constat ? La corruption, c'est vrai qu'elle est dénoncée depuis pas mal d'années. Et là, il y a des personnes qui sont venues au mouvement, dans le mouvement, dans les rassemblements, pour nous parler aussi de cas précis où il y a de la corruption au niveau de la justice. Il y a plusieurs procureurs qui sont soupçonnés de clairement passer sous silence des dossiers, de faire des non-lieux, de clairement tout simplement ne pas rendre justice convenablement dans des affaires qui sont liées à l'industrie, qui sont liées il y a plein d'affaires en cours en fait qui démontre qu'il y a un vrai système de corruption qui est institutionnalisé à la fois au niveau de la justice, au niveau des hautes fonctions publiques, sans rentrer dans le jeu du tout pourri parce que c'est pas le cas, mais il y a une minorité qui agit et qui agit aux bons endroits pour permettre des abus de biens sociaux. Donc l'abus de biens sociaux, c'est lorsqu'un élu ou un député, par exemple, ou un ministre récupère de l'argent public pour son bien personnel, pour sa carrière personnelle, et s'enrichit. Et ça, c'est des dossiers qui sont en train de sortir un peu partout, en fait. Là, aujourd'hui, il y a un préfet de police qui avait été nommé par Valls, qui s'est fait choper la main dans le sac en train de ne pas payer d'impôts depuis des années. Il est jugé aujourd'hui. Ça, c'est un des faits, par exemple, qu'il faut dénoncer. Il y a également forcément les affaires de Marine Le Pen, de François Fillon, qui sont juste scandaleuses. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que Fillon, finalement, ce qu'il a fait, ce n'est pas illégal. Et c'est là qu'est le problème. On peut se poser la question de pourquoi ce n'est pas illégal, alors que moralement, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Nous, on se pose... Tu parles d'illégal, tu parles le fait de ne pas être plutôt illégal, tu parles de fait d'utiliser à discrétion la réserve parlementaire qu'il possède, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que Fillon, il avait une réserve parlementaire, et comme tous les députés, il n'y a aucun contrôle de comment ils utilisent leur réserve parlementaire pour embaucher des assistants. Et ça, c'est absolument hallucinant. Ils en font ce qu'ils veulent de cet argent. Donc, tout simplement, Fillon, du mais coup, on a vu... inciter les concitoyens français, entre guillemets, à aider leurs députés, et surtout les SDF, en fait, et à demander à ce qu'ils puissent avoir accès à cette réserve de députés, en fait, qui est assez conséquente, ouais, pour s'acheter un bout de terrain et construire sa maison, non ? Ah bah, Fillon, clairement, c'est de l'enrichissement personnel qu'il a fait avec cet argent, puisque les emplois de sa femme et de ses enfants sont très, très probablement fictifs. Enfin, tous les éléments concordent à dire que les emplois de sa femme et de ses enfants n'étaient absolument pas liés à la fonction d'attaché parlementaire. Ils foutaient rien, quoi. Et d'ailleurs, sa femme l'a dit elle-même, elle en a témoigné. Il y a plein de témoignages. Là, la mise en examen aujourd'hui de sa femme, et elle était entendue aujourd'hui par les juges. Tout ce qui est ressorti là dans la presse, c'est qu'elle reconnaît elle-même qu'elle n'a pas mis les pieds. Alors, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs dossiers. Elle n'a pas mis les pieds à la revue des Deux Mondes, où elle était embauchée par un très proche ami de Fillon, où elle a touché je ne sais plus combien de milliers d'euros à rien faire, 100 000 euros, je crois. Voilà, enfin, on voit bien que c'est des gens qui s'arrogent en fait des droits, des privilèges. Ce sont des privilèges, en fait, qui se démerdent à obtenir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils se sont fait voter toutes les lois, tous les amendements, tous les règlements pour que ce soit légal. Et naturellement, nous, en tant que citoyens, toutes ces choses-là, on n'en est pas informés parce que c'est des petits amendements qui passent vite fait en catimini, qui votent au milieu de la nuit ou qui poussent au dernier moment, au moment de voter une loi, paf, il y a un amendement qui sort et puis c'est un amendement qui va leur permettre, par exemple, une prescription sur les délais occultes et financiers. Ça, c'est le dernier truc contre lequel aussi on se bat. On a plein de revendications dans le mouvement parce que franchement, là, on peut pas en parler en 5 minutes. C'est un sujet tellement complexe et vaste. Vous en citez une dizaine ou une quinzaine, vite fait. Une quinzaine de cas. Y a l'effet de corruption des attachés parlementaires, de l'abus de biens sociaux. Il y a les conflits d'intérêts. On voit que Macron, par exemple, il nage en plein conflit d'intérêts puisqu'il a travaillé dans une banque privée pendant 3 ans pour ensuite venir dans le public au ministère de l'économie. Entre-temps, il a été poussé par Attali, Alaminck, qui sont, on le sait, des économistes ultra-libéraux et il a participé à des consortiums proches des grands industriels, des grands patrons et de la finance. Enfin, clairement, c'est du conflit d'intérêts, il n'y a pas d'autre mot. Et ce n'est pas démocratique, en fait. Et malgré tout, pour l'instant, c'est légal, mais parce que nous, citoyens, on ne s'est pas emparé de cette question. Donc, la corruption, elle traite à plein de niveaux, plein de niveaux. Et c'est vraiment temps, il est vraiment temps que nous, en tant que citoyens... Je voudrais te poser une question, je m'appelle Mouloud, hein. Je suis aussi chroniqueur ici, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Alors j'ai 2 questions, on a bien compris que le point central était sur les questions d'emplois fictifs, mais en fin de compte, tu poses une question qui est l'essence même de cette démocratie. C'est au fond, on a des professionnels détachés, qui sont tous élus et plutôt sélectionnés. On peut citer l'ENA, Sciences Po, très loin du réel, plutôt issus tous de la classe bourgeoise, en fin de compte. Est-ce qu'en fin de compte, ces affaires-là ne reflètent simplement pas ce que est le personnel politique aujourd'hui et ce qui ne peut qu'être à partir du moment donné où, en fin de compte, il faut Bac plus 17, sélectionner, super sélectionner, Et ça pose simplement la question de l'essence même de ce système et de cette organisation, puisqu'en fin de compte, c'est des systèmes de classe. Il est évident qu'à la Courneuve, on n'a pas le même avenir que si on est à Neuilly-sur-Seine. Et je pense que si on revoit ces personnages, Fillon, Macron, etc., même les gens de gauche, ben, c'est des banquiers. L'autre, il va devenir pape. L'autre, il va devenir préfet, etc. Au fond, à partir du moment donné, on considère que c'est un métier à vie sélectionnable, eh bien, on a le reflet de cette classe sociale. Ouais. Au fond, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Et c'est ça la question que j'aimerais que tu me répondes. Et la deuxième aspect qui est autour de ce que tu as cité sur, en fin de compte, les manifestations, etc. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même poser la question de... tu as parlé de la violence, de la rue, qu'il y avait, si j'ai bien compris, des gens qui voulaient quand même un peu castagner, alors que toi, tu voulais remettre plutôt du sens et de la paix, du débat, entre guillemets. Est-ce que tu ne crois pas qu'en fin de compte... La violence, elle est d'abord dans la capacité de ce système à mettre par terre des centaines de milliers de personnes. C'est très violent de recevoir une lettre de licenciement. C'est très violent, tout ce système. Est-ce que tu ne crois pas qu'il ne faudrait pas réinterroger les images que tu as utilisées, c'est-à-dire il y a la violence. Violence en fait. Il y a la violence de l'État, ça c'est clair, la violence des institutions. Après, il y a la violence physique que montrent les médias quand il y a des débordements. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas la même violence. Et il y a une violence qui nous dessert. C'est celle qui est d'ailleurs, je pense, un aspect très masculin de la lutte. Hein. Moi, je suis féministe. Et je pense qu'en tant que femme, on a notre mot à dire là-dessus. Il y a beaucoup de femmes qui en ont marre d'être en manif, de subir la violence aussi de groupuscules qui viennent et qui sont... hyper testostéronés, j'ai envie de dire, des jeunes qui ont envie d'en découdre. On les comprend, hein, on comprend qu'ils soient révoltés. Moi, je suis comme eux, franchement, je bouillonne. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir conscience des réalités d'aujourd'hui. On est en 2017. En 2017, les flics, ils sont surarmés, suréquipés. Ils nous sortent des camions bloqueurs là, avec des jets d'eau hyper puissants, etc. Franchement, vous croyez sincèrement qu'on a la moindre chance, nous, en tant que citoyens, de leur faire face et de pouvoir combattre? Je pense que la seule possibilité aujourd'hui, concrètement, dans la société actuelle, d'être entendu et d'être crédible, c'est de faire des mouvements ultra pacifiques où on fait des choses créatives avec, je ne sais pas, là il y a les Roumains qui ont fait un immense drapeau. Ils ont cousu un immense drapeau qu'ils ont déployé sur la foule. Enfin, il y a d'autres choses à faire que de venir encagouler, masquer avec des bombes lacrymo et avec, comme on voit, les petits jeunes qui viennent en ce moment dans les manifs et qui s'incrustent et qui, finalement, provoquent les flics. Moi, j'ai été dans les cortèges de tête pendant toute la loi travail, j'ai vu ce qui se passait et je vois bien que c'est des jeunes qui sont en rupture et que c'est des jeunes qui sont totalement révoltés. Mais je pense qu'il faut qu'on les raisonne et qu'on leur dise, les gars, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. On ne peut pas gagner en ayant des méthodes comme ça. Non seulement on ne peut pas gagner parce que les flics sont bien plus armés que nous. Et en plus de ça, la bataille d'opinion, la bataille médiatique, on la perd d'emblée parce que voilà, ça fait les choux gras de la presse. Dès qu'il y a la moindre vis pétée, le moindre horodateur, abribus pété, ça fait des choux gras de la presse et il s'en sert pour décrédibiliser les mouvements. Donc on pourra pas en plus de ça massifier des mouvements avec ce genre de méthode. Voilà. Moi je suis pour une méthode à la William Boyd qui est un activiste américain qui a écrit un super bouquin sur qui s'appelle Joyeux Bordel, comment faire une révolution pacifique, créative et réussir à emmener les foules en fait et à s'auto-organiser et à faire venir les gens. Il y a beaucoup de gens, vous savez, aujourd'hui qui ont peur de la violence, qui ont peur de venir en manif. Moi, j'ai plein de potes, plein d'amis qui m'ont dit « Ouais, mais quand même, il y a de la casse. » Les gens croient ce qu'il y a aussi dans les médias, donc... Même si on a beau leur dire « mais non, c'est marginal, il n'y en a pas tant que ça, machin », puis on a beau leur tenir le discours « regarde, c'est bien plus violent d'être au chômage, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont dans une telle misère que les gens, ils n'entendent pas ça ». Et ça, il faut en avoir conscience. Voilà. Moi, c'est mon message en tant que femme, en tous les cas. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de machisme dans les milieux engagés, dans les milieux militants. Et c'est aussi ce qui empêche, je pense, d'amplifier les mouvements. Voilà, ça, c'est pour répondre à ta deuxième question. Et la première question, par rapport à la classe politique qui est évidemment complètement formatée et qui est issue d'un sérail de hautes écoles, de l'ENA, de machin. Mais je suis tellement d'accord avec toi, évidemment que c'est une lutte des classes. Hein. Ça, on ne va pas dire autre chose. C'est une lutte des classes et il faut... Moi, c'est Jeanne, donc je suis étudiante et je suis aussi féministe et j'étais aussi sur les mouvements de la loi travail. Et donc, je vais juste répondre trois petites choses. Donc, sur la violence, en fait, bon, on ne va pas partir dans ce débat parce que je pense que c'est un peu trop long, mais c'est vrai que des groupes cagoulés, testostéronés, il y en avait. Et bon, c'était les CRS, quoi. Et en fait, je pense que Mood a raison et qu'il faut vraiment se questionner sur la question de la violence parce que je pense que même en étant pacifique, en face, on a un système. Enfin, on a des gens qui feraient tout et qui seraient prêts à tirer des balles dans des têtes juste pour maintenir leurs privilèges, en fait. Donc, malheureusement, la question de la violence, moi, je kiffe pas ça non plus. Et je suis d'accord, on n'est pas... dans une perspective politique où la lutte armée, ça a du sens, mais malgré tout, je pense qu'il faut se questionner et il ne faut pas utiliser le terme violence à tort et à travers, je pense. Ensuite, sur la bataille des médias, moi, je pense que de toute façon, elle est perdue et que parce que les médias, enfin voilà, j'apprends rien à personne, mais bon, les plus gros médias sont possédés par des grosses fortunes et que en fait, le discours, c'est le discours qui véhicule une idéologie bourgeoise et que du coup, il n'ira jamais dans notre sens. On pourra être aussi pacifique, aussi rationnel qu'on veut. De toute façon, la bataille des médias, on l'a perdue. Et ensuite, voilà, juste pour dire que j'étais aussi d'accord avec Mouloud et que je pense que la classe politique, c'est inhérent et que du coup, la corruption, c'est pas une question de personne, mais une question de système, en fait. Juste un point sur la question de la violence. Les grévistes de l'aéroport, Air France, etc., quand ils ont appris un licenciement massif de plusieurs milliers de personnes, ce qui s'est passé, c'est que le directeur des RH est venu leur dire ça, que vous allez crever. Et de l'autre côté, il voulait sortir face à des gens qui étaient licenciés. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de la chemise arrachée. Quelle haine sociale! Et ça fait le tour du monde. Le tour du monde a vu un espèce de mec qui a plus de 50 balais. Il a été capable de sauter un truc de plus de 2 mètres que moi, je ne suis pas capable. Donc, c'est-à-dire bravo le sport, etc., etc. Ils sont très bien entretenus, ces gens-là. Deuxième chose, on a d'abord expliqué et répété la violence, la violence, la violence. Voilà la violence de classe. Et où est-ce, comment on la manipule, ces mots sont manipulés. Et c'est pour ça qu'il faut les déconstruire. Enfin, moi, je suis partagé entre les deux trucs. Après, je peux comprendre le désir de ne pas être violent. Ça, je le comprends tout à fait et je l'entends. Et c'est vrai que c'est une majorité des gens qui ont bougé qui étaient comme ça. Ça, c'est clair. Surtout quand on n'est pas averti de cette violence. C'est-à-dire que tu viens, tu as 70 ans, ou tu viens avec tes enfants, ou quoi, tu es là. Et ce n'est pas forcément des groupes qui vivent des choses, en fait, qui se montrent violents avec la police. Pas forcément ça. Quand c'est des groupes qui vivent des choses, bah, on les voit, on les reconnaît direct. On l'a vu au tribunal de Bobigny par rapport à Aulnay. Bah, c'était des mecs de cité qui vivaient des violences policières au quotidien, qui se sont mis à charger les keufs. Ce n'est pas les autres. Alors que dans la manif loi travail, j'ai pas forcément vu des chums qui vivent la pauvreté ou qui vivent la misère se friter avec des keufs. Et du coup, la seule violence que j'arrive à comprendre, c'est une violence qui est issue de gens qui ont envie, en fait. Mais il faut avoir envie et il faut avoir l'énergie aussi. Les gens sont pas forcément organisés. Les gens ont un petit peu de confort. Ils ont pas forcément envie de le perdre tout de suite non plus. T'as des gens, c'est des pères de famille ou des mères de famille. Du coup, ils réfléchissent aux conséquences, à ce qui peut être après ou quoi. Moi, je peux comprendre tous les points de vue et je pense que tous les outils sont utilisables du moment qu'ils sont légitimes, en fait. Du coup, que ça soit genre pacifiste ou genre que ça soit quelque chose de plus violent parce que tu vis une situation violente et tu estimes de répondre par la violence, c'est ta seule alternative parce que les autres réponses que tu as utilisées, elles n'ont pas marché. Je peux comprendre toutes les positions, en fait. Mais comme on ne va pas tarder de se quitter, en fait, Sophie, moi, je te remercie beaucoup de venir parler du mouvement, en fait. Oui. Je sais que tu... Allô? Parce que là, tu es dans tes derniers mois, ou ton dernier mois, je ne me rappelle plus. Ouais, je suis enceinte de 8 mois. Et c'est aussi pour mon bébé et ma fille de 11 ans et demi que j'ai envie de faire un grand mouvement qui puisse faire bouger les choses, quoi. J'ai envie d'y participer en tous les cas, ce mouvement-là, et de l'encourager et de tout faire pour qu'il grossisse. Et c'est vrai que la base, bah, c'est d'en parler, de dire aux copains, à tout le monde, bah, venez, quoi, juste, à un moment, il faut arrêter de réfléchir et de se dire oui, mais ça ne servira à rien, on n'est pas sûr, machin. Quand on était 2000 personnes à République le 19 février, il y avait tous les médias qui étaient là, il y a même RMC qui est venu et Jean-Jacques Bourdin qui m'a invité à venir parler le lendemain. Donc, quand on est nombreux, les médias viennent, vous voyez. Donc, moi, je ne suis pas pour faire du « tous les médias sont pourris », etc. On sait qu'il y a des médias qui sont monopolisés par des grands groupes, mais il y a aussi en interne, chez les journalistes, des gens qui ont une conscience et qui essayent de diffuser des bonnes nouvelles. Voilà, donc bah ouais, venons, soyons nombreux devant l'Assemblée nationale, quoi. C'est le seul truc que j'ai envie de dire, c'est réveillez-vous les gens, sortez de votre zone de confort, arrêtez Candy Crush, arrêtez de regarder vos séries de merde pendant des plombes et juste bougez votre cul et venez en manif, quoi. Venez faire un gros rassemblement devant l'Assemblée nationale, voilà. J'espère que ce sera entendu. Et du coup, tu peux nous rappeler le rendez-vous, l'heure, tout ça et, ouais, c'est 15h dimanche. Dimanche 15h à l'Assemblée nationale. Alors, on n'a pas encore la confirmation parce qu'on a... on n'est pas sûr de pouvoir être devant l'Assemblée parce que, bah, justement, plus on sera nombreux, plus on pourra imposer à la préfecture de police d'être devant l'Assemblée. Pour l'instant, on n'a pas du tout idée de combien de personnes vont venir. Donc, il se peut qu'on soit relégué sur la petite place qui est à gauche. Quand on est face à l'Assemblée, il y a une petite place qui s'appelle Place Hériot, qui est à gauche de l'Assemblée nationale. C'est là où la plupart des manifs, des petites manifs, sont cantonnées, bien à l'abri des regards, dans un, voilà, un petit triangle de 100 mètres de long. Donc, on verra. Soit on est devant l'Assemblée, soit on est sur le côté. Et même de mettre, faut savoir que même d'afficher une banderole devant l'Assemblée nationale, souvent la préfecture le refuse. Donc, faut voir à quel point, ouais, on est vraiment dans une négation de nos droits démocratiques, de nos droits citoyens les plus basiques, quoi, en fait. Même de mettre une banderole devant l'Assemblée nationale, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Du coup, on est vraiment serré par le temps. Je te remercie beaucoup, Sophie. Bah, merci à vous, hein. Et bravo à très bientôt. Bravo pour votre antenne libre. À bientôt. Au revoir. Hein? I don't know why man's calling me family all of a sudden. Like, my mom don't know your mom. Stop telling man you're my cousin. I got day ones and I got new ones. No fake ones. Trust no one. It's boy better know till I die. Trying to run up in the bank like Bonnie and Clyde. Cause man get money with a gang. Man get girls with a gang. Man eat food with a gang. Man talk slang so the feds can't work out what I just said to a man. Told me you was a big fan. But the first thing you said when you saw me is can I get a pic for the gram? I was like, nah, sorry man. I only socialize with the group and the gang. Whoa, guess who's back? Came a long way from sitting in the flats. Came a long way from when whites never used to mix with blacks. Now all my white niggas and my black mates, we got the game on smack. I used to rate your page on MySpace, but you never stayed on track. Upset cause your wife is a fan. She done with a little boy, now she wants to be with a man. Told my accountant, do me a transfer cause I wanna buy some land. You and I have got different plans. Real madman, I might go St. Anne's. No AAA bus, no wristbands. You are not man, them, you are not gang. Jackson Mafia, boy, better know. Money with a gang, man get girls with a gang, man eat food with a gang, man talk slang so the feds can't work out what I just said to a man. Told me you was a big fan, but the first thing you said when you saw me is can I get a pic for the gram? I was like, nah, sorry man, I only socialize with the crew and the gang. They wanna see me drown, trying to hold the man them down. Cause I shut down Shoreditch car park and I got bars like Camden Town. Out there trying to survive on the streets, trying not to get killed by the police. And I be schooling MCs, nobody leaves till 3:30. This year I'ma teach them a lesson. So Grace don't reply to those emails, nah, I don't wanna do no sessions. It's like them man, I've got an obsession with my style of expression. But in public, never hear my name mentioned. Catch them at the nightclub entrance, always seeking attention. But I'll be inside, trying to get bursts. Looking all cool like Herc, dressed like I just come from PE. You're dressed like you just come from church. Better do your research. You don't wanna hear my verse come after your verse. MCs act brand new cause they got a little money in the purse. So you had a good solo career, had a few big songs over the years. Back then you was a real top boy, but right now fam time, nobody cares. Walked in the club, everybody's like, who is he? Why is he walking around with security? You know the postcode when you're talking road, better know that I speak that fluently. I don't know why man's calling me family all of a sudden. Like, my mum don't know your mum, stop telling man you're my cousin. I got day ones and I got new ones, no fake ones, trust no one. This boy better know till I die, trying to run up in the bank like Bonnie and Clyde. Cause man get money with a gang, man get girls with a gang, man eat food with a gang, man talk slang to the fence, can't work out what I just said to a man. Told me you was a big fan, but the first thing you said when you saw me is, can I get a pic for the gram? I was like, nah, sorry man, I only socialise with the crew and the gang. Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur FPP 106.3 FM. On vient d'écouter un son de Skepta. Donc c'était la playlist de Robinson qui a la technique ce soir. Et tout de suite, on va passer au deuxième sujet de cette émission. Donc on voulait parler de ce qui se passait en Guyane. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a tout un mouvement, le peuple là-bas qui s'est levé, et notamment tout un mouvement de barrages depuis hier, donc lundi, il y a eu un appel à la grève générale et le pays est complètement paralysé. Ce soir, on voulait donner la parole à quelqu'un qui est sur place. Donc, c'est un militant d'un des principaux syndicats qui s'appelle l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais. Donc, on a Albert Darnal qui est avec nous au téléphone. Donc, Albert, est-ce que tu nous entends bien? Ça va, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir. Si tu peux présenter un peu le syndicat dont tu fais partie et le collectif aussi dont vous faites partie. Moi, je suis un militant de l'Union des travailleurs guyanais. Je suis l'ancien secrétaire général de l'Union des travailleurs guyanais. Et je représente donc l'Union des travailleurs guyanais dans le collectif pour la Guyane décoller, ça veut dire que en fait c'est un collectif qui a été conçu avec l'ensemble des collectifs de la société civile, donc les 500 frères, Trop Violence, le collectif des Citrons de l'Ouest, etc., plus les socioprofessionnels et l'Union des travailleurs guyanais. Voilà. D'accord, donc si tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe en Guyane en ce moment et comment a commencé le mouvement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Guyanais sont réveillés un petit peu, se sont soulevés, parce que depuis 50 ans, nous subissons le colonialisme français dans toute sa splendeur, et que notre pays n'est pas développé, la jeunesse guyanaise est plongée dans la précarité et dans la délinquance, toxicomanie, prostitution. Elle n'a aucun avenir, puisque plus de 45% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Et il faut savoir que la population est composée à plus de 50% de jeunes qui ont moins de 20 ans. Donc c'est une population extrêmement jeune, qui est livré à la délinquance et à la toxicomanie. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, et tous les voyants de l'économie sont au rouge, puisqu'il n'y a aucune activité productive, tout dépend de la commande publique. En plus de cela, la santé, l'éducation, l'énergie sont dans des états particulièrement catastrophiques. La situation sanitaire est vraiment lamentable. Il faut savoir que les principaux hôpitaux on va dire servent de mouroir plutôt que servent à soigner les gens. L'éducation, c'est catastrophique. 80% des enfants d'une classe d'âge sont du système scolaire sans diplôme, parce que l'éducation est inadaptée, que les programmes scolaires ne correspondent pas aux référents des jeunes guyanais. Les langues utilisées, la langue utilisée à l'école ne correspond pas non plus aux langues maternelles des enfants, ce qui fait que les enfants sont en fait rejetés du système scolaire plus qu'intégrés. Au niveau de l'énergie, c'est catastrophique. La production énergétique, malgré le barrage de Petit Saut, est nettement insuffisante, puisque le barrage de Petit Saut sert à plus de 60% de sa production énergétique pour la base spatiale de Kourou. Ce qui fait que aujourd'hui, on se retrouve dans des situations extrêmes où des grandes villes comme Saint-Laurent-du-Maroni, qui est la deuxième ville de Guyane, se retrouvent pendant près de 30 heures sans électricité. Alors, voilà, pour décrire rapidement le contexte dans lequel on se trouve en Guyane, qui fait qu'aujourd'hui, la population en a marre. Alors, il faut savoir que dans le même temps, les collectivités sont endettées. Leur paillage clandestin est utilisé par la France comme moyen de renforcer les réserves de la Banque de France, puisque tout l'or qui est saisi va alimenter la Banque de France, alors qu'on en aurait besoin pour développer des infrastructures routières, en particulier de la Guyane, qui pourraient permettre d'accéder à l'intérieur et permettre de développer des activités productives. Voilà ce que je peux dire. Donc ce que tu disais, c'est que la Guyane, c'est un pays qui est très riche, notamment en termes d'or, et notamment c'est utilisé aussi pour tous les décollements des fusées Ariane. Donc tu parlais de la base spatiale de Kourou, mais tout ce qui est aérospatial, notamment, ils payent aucun impôt, il y a aucun revenu qui revient au peuple guyanais, en quelque sorte, quoi. Tout est utilisé pour la métropole, Paul, comme tu le disais. Alors, il faut savoir que la base spatiale, lors de son installation, a été installée sur un territoire de la Guyane qui était considéré comme le grenier de la Guyane. C'était un territoire agricole où les gens étaient expropriés sans qu'on les dommage vraiment, puisque on les a parqués dans des cités à Kourou et à Sinamari où ils n'avaient pratiquement rien. Et aujourd'hui, la base spatiale ne paye aucune taxe, ni taxe professionnelle, ni taxe foncière, ni taxe d'habitation, ni l'octroi de mer pour les éléments de la fusée qui rentrent en Guyane. Ce qui fait que, en dehors du fait que les Guyanais travaillent sur la base spatiale, les retombées sont vraiment minimes pour la Guyane. D'autre part, quand on parle de richesses naturelles en Guyane, il faut savoir que l'or, c'est une des richesses peut-être la plus importante, mais il y a aussi un certain nombre d'autres richesses naturelles, comme le pétrole, qui n'est pas exploité aujourd'hui, qui a fait l'objet de recherches à un moment donné, et on estimait qu'il y avait des quantités énormes de pétrole. Bon, ce qui est surprenant, c'est que le Guyana, le Suriname et le Brésil qui entourent la Guyane sont des producteurs de pétrole, que le plateau des Guyanes regorge de pétrole. Ce serait étonnant que les nappes de pétrole passent au-dessus de la Guyane, quoi. Mais bon, c'est pour la moutarde que je dis ça, mais c'est vraiment grave ce qu'on nous raconte. Et aujourd'hui, les Guyanais commencent à comprendre qu'il faut arrêter avec ça, parce que on se moque d'eux. Ils ont décidé de prendre les choses en main, de revendiquer. Ce qui fait que il y a eu cette grosse mobilisation aujourd'hui. Il y a une grosse mobilisation depuis une semaine avec des barrages, avec des gens qui sont un peu partout dans la mobilisation, dans toutes les communes de Guyane. Mais aujourd'hui, on avait décidé de faire Guyane ville morte avec deux grosses mobilisations, une à Cayenne, la ville principale, et Saint-Laurent, la deuxième ville, où sont implantés des représentants de l'État. C'est pour ça qu'on avait choisi ces deux villes. Et sur Cayenne, il y avait près de 20 000 personnes, plus de 20 000 personnes dans les rues. Les images le montrent, hein. Ceux qui ont pu voir les images sont impressionnantes. Même moi, j'étais impressionné. Pourtant, je suis un militant de longue date. Ça fait de longues années que je milite et je n'avais jamais vu autant de monde dans les rues. À Saint-Laurent, une ville qui est traditionnellement calme au niveau des mobilisations, il y avait près de 10 000 personnes. Donc, c'est une mobilisation particulièrement impressionnante qu'il y a eu aujourd'hui. Et cela prouve, s'il le fallait, que les gens en ont marre de la situation. Et il faut que le gouvernement français comprenne qu'il faut qui change d'attitude vis-à-vis de la population guyanaise. Allô ? Du coup, en fait, on a vu qu'il y avait une espèce de ras-le-bol généralisé, un gros mouvement qui était en Guyane, non seulement par rapport à l'aspect dont tu disais tout à l'heure, la Guyane, c'est une terre ultra riche, mais les Guyanais n'ont quasiment aucune retombée économique dans leur poche, en fait. Mais tu avais aussi une dimension qui m'a perturbé beaucoup, en fait, c'est celle de la violence étatique, en fait. La plupart des policiers et des fonctionnaires sont des métropolitains, en général, et qu'ils avaient des manières de métropolitains, avec les mauvaises manières de la police métropolitaine, comme on voit à Paris ou à Marseille ou ailleurs, en fait, ils n'arrêtent pas de contrôler au faciès ou de charger. Et en Guyane également, vous avez un ressenti assez violent, en fait, de la police et de l'image de l'État. Alors, en général. Vous parlez particulièrement de la police. Je voudrais préciser quand même que les chiffres que j'ai donnés, peut-être qu'ils ne sont pas parlants pour les auditeurs français qui écoutent, mais quand on dit 20 000 personnes à Guyane, 20 000 personnes, c'est 10% de la population. La population de Guyane, c'est 250 000 habitants recensés par l'INSEE aujourd'hui. Donc 20 000 personnes, c'est 10% de la population. Ce serait 6 millions de personnes dans les rues de Paris, quoi. Donc ce serait l'équivalent à ça si on se rapporte proportionnellement, pardon. Ce serait 5% à Saint-Laurent. Donc c'est quand même énorme ce qui s'est passé aujourd'hui en Guyane. Il faut que tout le monde en ait conscience. Ça veut dire clairement qu'il faut que le gouvernement français arrête de mépriser, comme il le fait depuis le début du mois, le peuple guyanais, qu'il se mette à la table des négociations, qu'il nous envoie des ministres sérieux qui puissent négocier avec nous, parce que sinon les choses vont prendre une autre dimension. Aujourd'hui, le peuple est calme, il a manifesté dans le calme, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de violence. Partout, quand on regarde les images, on voit que quand il y a des manifestations, il y a des casseurs. Nous, on a réussi à faire une mobilisation dans le calme et le gouvernement français se contente de nous dire que tant que les choses seront comme elles le sont, il ne viendra pas négocier. Donc il faut qu'il prenne conscience qu'il prend de gros risques et si les choses dégénèrent, il n'aura qu'à s'en mordre les doigts. Ce sera de sa responsabilité parce qu'aujourd'hui les gens sont calmes. Alors, pour parler de la police, bon, ce n'est pas notre principal souci, la police. C'est vrai que on a des problèmes avec les gardes mobiles parfois, parce qu'ils ont des attitudes qui sont négatives. Il faudrait qu'il y ait une police plus locale, qui connaisse la culture, la mentalité des Guyanais. Bon, je crois que la police, il en faut, de toute façon, mais il faut aussi que soit une police de proximité, une police de prévention, avant que ce soit une police de répression. Voilà ce que je peux dire concernant la police. Oui. Albert, moi, je voulais te poser une question aussi. Ok, on a perdu Albert, donc juste, on va faire une petite pause musicale et on va essayer de le retrouver au téléphone. French Guiana, oui, faut nous lever. French Guiana, population, faut nous lever. French Guiana, oui, faut nous lever. La vie est trop belle pour nous péter nos coques et gunshot. Au fond, bouge tout mon petit frère à gunshot. Apprendre l'école au lieu de parler des gunshots. Ça qu'a fait mon mal, dit ouais, qui m'ont y'a pays, y'a malade. Pièce problème, pas qu'à régler que gunshot. La jolie l'homme, mon frère, pas bien pièce chap. Tant des monde qu'à moi juste d'où vie normal. Ça qu'a fait mon mal, dit ouais, pour mon pays à malade. French Guiana, oui, faut nous lever. French Guiana, population, faut nous lever. French Guiana, oui, faut nous lever. French Guiana, ça qu'a fait mon mal, dit ouais, pays à malade. French Guiana, oui, faut nous lever. French Guiana, oui, faut nous lever. French Guiana, oui, faut nous lever. Ça qu'a fait mon mal, dit ouais, pays à malade. Faut nous changer mentalité. C'est la raison pour nous brigades à l'unité. Passe nous toutes gain tellement qualité. Zot pas qu'à ouais richesse, nous diversité. Gain l'impression nous la jeunesse déroutée. A zot nous bizin pour pouvoir lutter. Quand ça, zot doit zot qu'à pointer. Mais ça qui en détresse, zot pas qu'à aider. Pour que ça, la vie est trop belle pour nous péter nos coques et gunshot. Au fond bouge tout mon petit frère à gunshot. Apprendre l'école au lieu de parler des gunshots. Ça qu'a fait mon mal, dit ouais qui m'ont y'a pays y'a malade. Pièce problème pas qu'à régler que gunshot. La jolie l'homme, mon frère pas gain pièce chap. Tant des monde qu'à moi juste d'où vie normal. Ça qu'a fait mon mal, dit ouais pour mon pays y'a malade. French Guiana, oui faut nous lever. French Guiana, population faut nous lever. French Guiana, oui faut nous lever. French Guiana, ça qu'a fait mon mal, dit ouais pays y'a malade. French Guiana, oui faut nous lever. French Guiana, oui faut nous lever. French Guiana, oui faut nous lever. Ça qu'a fait mon mal, dit ouais pays y'a malade. Donc voilà, on vient de retrouver Albert au téléphone. On rappelle qu'il appelle en direct depuis la Guyane. Donc Albert, on disait tu faisais partie du syndicat UTG. Donc tout de suite, on parlait du mouvement qu'il y a actuellement. Et moi, je voulais te poser une question aussi. On dit que l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais, est un syndicat anticolonialiste. Et je voulais savoir ce que vous entendiez par là. Qu'est-ce que ça serait la décolonisation de la Guyane? Et si tu penses que les dom-toms sont des colonies françaises en réalité? Pour notre part, nous pensons que les 10 dom-toms sont des colonies françaises à part entière. Que d'autre part, la France ne fait rien pour que ces colonies se développent. Bien au contraire, elle maintient, pour nous, la Guyane, on considère qu'elle nous maintient dans une situation de non-développement. C'est une volonté. C'est une volonté pour nous maintenir sous sa coupe. La preuve, c'est que les régions les plus riches de Guyane sont placées en parc national pour empêcher que les fractions de richesse naturelle qui sont dans ces régions-là. Donc, oui, c'est clair pour nous que la Guyane est considérée par la France, est traitée par la France comme une colonie, et c'est une colonie parce que il n'y a pas d'autre mot pour expliquer la Guyane. C'est sous domination française. C'est à 8000 km de la France. Ce sont des gens qui se sont construits. C'est un peuple qui s'est construit et qui a une unité géographique. Et aujourd'hui, tout est fait pour nous maintenir dans la système et dans la domination de la France. Et du coup, l'indépendance de la Guyane, qu'est-ce que ça serait exactement? Et est-ce que le mouvement actuel... L'indépendance de la Guyane, il faut la construire. Nous, ça fait des années qu'on se bat pour que la France prenne en compte les revendications sociétales que nous portons, puisque depuis 1997 en particulier, nous avons proposé le projet Guyanais qui avait reçu l'adhésion de plus de 80% de la population guyanaise, qui avait été ensuite votée par les élus de Guyane réunis en congrès à deux reprises, en 1999 et en 2001. Après, bon, il y a eu la fameuse histoire du 73 et 74 qui a un peu plombé les choses, parce que la plupart des élus de Guyane se sont rangés derrière les propositions de Sarkozy. Mais nous avons bon espoir que notre projet guyanais qui prend en compte la problématique de l'évolution statutaire, soit prise en compte dans nos revendications, puisque ça fait partie des revendications du collectif. Le projet guyanais est dans la plateforme revendicative, et nous, dans la plateforme revendicative, nous voulons qu'il soit mis en place immédiatement. Nous voulons que, suite aux négociations que nous aurons, que le gouvernement français acte avec nous la mise en place du projet guyanais. Donc le projet guyanais, c'est le début d'un processus qui nous conduira à terme certainement vers l'indépendance, mais il faut construire tout ça. L'indépendance, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, il faut la construire, il faut qu'on ait les pouvoirs du développement de notre pays, que nos ressources naturelles, qu'un certain nombre de lois aujourd'hui qui ne permettent pas que notre société se développe, soit modifiée. Et est-ce que tu penses que cet aspect-là de décolonisation est porté actuellement par le mouvement actuel, que c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans la rue et dans le mouvement sur les barrages, etc.? C'est une des revendications du collectif. C'est sur la plateforme revendicative du collectif. Et c'est un des points sur lesquels nous ne transigerons pas lors de négociation. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement de quelle forme prend le mouvement actuellement? On sait qu'il y a une grève générale depuis lundi dernier, mais comment cet appel à la grève générale n'est pas sorti de nulle part? Le mouvement avait commencé avant aussi avec des blocages sauvages en quelque sorte. Et si tu peux nous raconter un peu la situation sur place, qu'est-ce qui s'est passé là tout récemment, quoi? Alors, ce n'était pas des blocages sauvages. Il y avait un certain nombre de syndicats de l'UTG qui étaient déjà en grève, comme le syndicat UTG de l'éclairage, donc le syndicat UTG de l'EDF qui est majoritaire, qui était rentré en mouvement le lundi 20. Donc, il y avait également le syndicat UTG du de la Centre médico-chirurgical de Kourou, qui est l'hôpital de Kourou, qui était également en train de grève. Donc il y avait un certain nombre de syndicats, de sociétés professionnelles, de collectifs qui étaient en train de mouvement depuis le 20, qui bloquaient un certain nombre d'artères, de ronds-points de la Guyane, des ronds-points stratégiques, on va dire, et en particulier l'accès à la base spatiale qui est, à notre avis, un point hautement stratégique puisque c'est l'intérêt supérieur de la France en Guyane. Il faut savoir que la base spatiale, c'est une chose non négligeable pour la France puisque en termes de géopolitique, l'emplacement même de la base spatiale permet de lancer des fusées à moindre coût. Donc le fait de ne pas pouvoir lancer la fusée aujourd'hui, c'est, si je ne me trompe pas, 500 000 euros de pertes par jour. Donc voilà, tous ces emplacements stratégiques, nos camarades les avaient occupés dès le lundi 20. Et à partir du moment où on a réuni notre comité national qui décide de la grève générale de notre organisation, nous avons déclaré la grève générale, mais nous étions au mouvement bien avant. Le 20, certains de nos syndicats étaient déjà en grève. Le 23, notre organisation appelait l'ensemble des travailleurs à la mobilisation. Le 25, nous tenions notre comité national où nous avons voté à l'unanimité des syndicats présents la grève générale. Et le 27, tout le monde est rentré en grève générale. Voilà la chronologie des événements. Du coup, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'en métropole, le gouvernement, il prend pas au sérieux à peu près vos considérations, dans le sens, en fait, la seule délégation qu'il a envoyée, il me semble, elle était composée par un ancien préfet et par quelques secrétaires ministériels. Et du coup, j'imagine que la grève générale va continuer, le mouvement va tenir, tant qu'il n'y a pas une délégation. Ben, le mouvement a été clair, hein. Le collectif a été clair. Nous ne négocierons pas avec des fonctionnaires d'État qui n'ont pas le pouvoir. Nous voulons que ce soit des ministres qui puisse s'engager pour le gouvernement. Il n'est pas question de négocier avec n'importe qui. Nous ne voulons pas des gabarettes, parce que elle a méprisé le peuple guyanais dans ses déclarations. Donc les choses sont claires. Le collectif a fait un communiqué qu'il a envoyé aux médias, qui a été très clair sur cette question-là. Tant que les choses ne sont pas prises au sérieux, nous continuons le mouvement. Et que, voilà, à l'État français de prendre ses responsabilités. Si les gens qui dirigent l'État en France ont pris la mesure et l'ampleur du mouvement, ben, tant pis pour elles, les choses vont continuer à l'État. Ce sera dommage pour tout le monde. C'est vrai qu'on a l'impression que M. Cazeneuve, quand on l'entend parler, il s'agit de quelque chose qu'ils ne prend pas au sérieux. Ils ont des exigences. On a l'impression que notre mouvement, c'est un mouvement violent, qui est dangereux pour les gens qui viendront en Guyane, alors que pour le moment, c'est un mouvement pacifiste. Et je voulais te poser aussi une dernière question. C'était, ce mouvement-là, j'imagine qu'il a pas mal d'écho dans les autres dom-toms. Et je voulais savoir si ça bougeait ailleurs, par exemple en Guadeloupe ou en Martinique, si le mouvement il pouvait avoir de l'écho. Et on allait un peu vers un mouvement des dom-toms pour la décolonisation, en quelque sorte. Pour le moment, il n'est pas question de ça, mais pour avoir eu mon ami Elie Domotin de l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens au téléphone, je sais que nous avons le soutien entier de cette organisation de l'UNCAP qui a eu un communiqué de fait aujourd'hui. Donc les syndicats des autres colonies françaises, les peuples des autres colonies françaises sont attentifs à ce qui se passe en Guyane et effectivement ça pourrait être l'occasion de mobilisation particulière puisque les choses sont aussi graves dans ces pays-là. Bah, on te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour conclure en quelque sorte. Non, pas spécialement, mais je vous remercie beaucoup de suivre avec l'attention ce qui se passe chez nous. Et continuer à expliquer à la population française, au peuple français, ce qui se passe en Guyane. Nous ne sommes pas contre le peuple français. Nous sommes des militants, nous sommes un peuple engagé pour qu'on le respecte, pour sa survie et surtout pour que sa jeunesse puisse pouvoir vivre et travailler en paix. Donc nous exigeons aujourd'hui que l'État en fait prenne sa responsabilité et vienne négocier avec nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de nous avoir offert la possibilité de parler sur notre antenne. Et donc, juste si tu peux rappeler les collectifs et le syndicat dont tu fais partie. Alors, le collectif qui dirige le mouvement aujourd'hui s'appelle Collectif pour la Guyane décollée. Il est composé de différents collectifs citoyens comme les collectifs des Ligouanes de l'Ouest, le collectif de Toucan de Kourou, le collectif de Trois-Sinamarie, les 500 frères, le collectif contre violence. Les socioprofessionnels de Guyane, en particulier l'Union Générale des Transporteurs, les très petites entreprises, le MEDEF et enfin l'Union des Travailleurs Guyanais, qui est un syndicat de salariés. Ben franchement, Albert, merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos revendications et tenez-nous au courant, quoi. Et puis, vive la grève. Bonne fin de journée. Salut. Plaisir. Et tout de suite, on va passer à un reportage qui dure 2 minutes. Donc, c'était un rassemblement de jeunes Guyanais, notamment à Toulouse, et qui disent un peu ce qu'ils ont à dire et la situation en Guyane, pourquoi ils sont révoltés aussi aujourd'hui. On écoute ça tout de suite, ça dure 2 minutes. Au fond près du radiateur FPP, 106.3 FM. Le pays est bloqué, des barrages dans tous les coins de rue, une mobilisation précédente de l'ensemble de la population pour dire non, cela a assez duré. C'est à Toulouse que le siège du CNES est installé, on est tous conscients de ça. Mais c'est en Guyane que chaque mois il y a une fusée qui décolle pour Ariane, Vega, Soyuz, pour le grand bonheur et la richesse de la France et de l'Europe. Mais il faut savoir que chez nous, ok, eux, ils sont bien et tout, mais chez nous, il faut savoir, des milliers d'enfants ne sont pas scolarisés. Plus de 50% de la jeunesse est sans emploi, sans formation. L'activité économique est à l'arrêt depuis plusieurs années, générant le chômage et la misère. Plus de 60% de la population vit avec le RSA et les minima sociaux. La jeunesse est obligée de s'expatrier comme nous. On n'a pas tout ce qu'il faut en Guyane. Moi, j'aurais bien aimé être en Guyane. J'ai pas envie de venir ici, il fait froid. Il n'y a pas toutes les formations, il n'y a pas tout. Donc on est obligé de venir. Excusez-moi, ça s'est retourné. Du coup, le foncier, il appartient à plus de 90% à l'État. Ok, notaire là. Tout là, c'est à l'État. Ok, les collectivités guyanaises sont obligées d'acheter des terrains sur les privés pour faire des écoles. Ok, alors sont notaires. Les frères amérindiens sont méprisés à tel point qu'il n'y a pas une semaine que jeunes se suicident. Les jeunes sont condamnés à faire la mule pour essayer de s'en sortir. Yes, ils vont pas à l'école, ils passent pas le bac. Eux, c'est l'argent facile, ils font la mule. C'est soit ils font la prison, soit ils meurent. Ok, on n'a pas le choix en Guyane. Ensuite, le système sanitaire est d'un tel niveau que lorsque tu vas à l'hôpital, c'est soit tu sors plus malade, soit tu meurs. C'est clair, ça c'est vrai. L'activité spatiale n'acquitte pas des impôts en Guyane. Ils font décoller des fusées, ils ne payent pas. Ils ne payent pas d'impôts des collectivités. Yes? Donc je ne vais pas continuer. Mais en gros, mais je n'aime pas trop lire moi. Toutes les richesses du pays, or, poisson et tout, tu vois. Eh bien, on ne profite pas de ça, on bénéficie de rien du tout. Tous les postes à responsabilité sont occupés par des... Par qui ils sont occupés ? Si on se sent seul, sans aucune porte de sortie. Tangents se plaignent de problèmes sans prétention. Pendant que ce que j'aime se promène dans tes tensions. J'lâche une larme pour mes gens qui sont sous terre. Ceux qui ont souffert se reconnaissent dans mes chansons. Tangents se plaignent de problèmes sans prétention. Pendant que ce que j'aime se promène dans tes tensions. J'lâche une larme pour mes gens qui sont sous terre. Ceux qui ont souffert se reconnaissent dans mes chansons. Ça mène des vides paf, j'passe son temps à rêver de big pav. Mais y'a que les vrais qui savent qu'un jour faut arrêter de big rave. Je ne dis le plus de vide rue. J'veux lâcher le paysage. Me dis juste sur mon droit chemin y'avait des virages. Vite bâtard, Et je tâche de vestir le placard. Vu que trop fini son Détroit, mais pas celui de Gibraltar. Je faiblis, j'ai pas la chance d'avoir une Jaguar. J'ai eu que le modèle réduit, j'avance avec un chat noir. V'là l'oiseau de mauvais augure d'Alfred Hitchcock. Après Discord, je dévoile mon côté obscur. Pas tour du monde, je crois encore que la terre est plate. Dans le souffle d'une bombe, bien avant que la guerre éclate. De toute façon, je serais déjà autre part. Si on m'avait dit que ce cauchemar n'est que le fruit de mes rêves qui ont mal vieilli. Il fut un temps où l'espoir était grand, mais la souris sur mon oreille a fait fuir ma mémoire d'éléphant. J'habite ici depuis toujours, et j'y suis condamné à jamais. Et rien ne nous sortira de ce cauchemar. Nous risquons d'être détruits. Tant de gens se plaignent de problèmes sans prétention, pendant que ceux que j'aime se promènent en détention. J'lâche une larme gros méchant qui sont sous terre. Ceux qu'on souffert se reconnaissent dans mes chansons. Tant de gens se plaignent de problèmes sans prétention, pendant que ceux que j'aime se promènent en détention. J'lâche une larme pour mes gens qui sont sous terre. Ceux qu'on souffert se reconnaissent dans mes chansons. J'ai délaissé ma vitrue mais j'ai conservé les vices qu'on lui attribue. La drogue tu sais, on s'y habitue. Sa malédiction et ma mission m'évader de sa prison. L'addition de mes addictions mène à l'éradiction. Un texte insensé, des tranches de vie sur le fil du rasoir. Pépin de santé et c'est pas le fruit du hasard. Quand ma mère me disait s'te plaît lâche pas le pahut, mais j'ai pas eu mon pack refrais et la pack m'a eu. Insomniaque, mon sommeil est désamorcé. J'ai buté le marchand de sable, amputé les bras de Morphée. Alcool dans le foie, je voudrais partir à Koh-Lanta. Ouais, je fais le show en bas, mais j'ai même pas le courage m'inscrire à Pôle emploi. Je fais grandir ma tête de souvenirs, je soupire. Chaque jour, j'accepte de souffrir avec le sourire. Je vis dans le mensonge comme cette vierge incontinente, obscure et pédophile qui vous souhaite un bon dimanche. Tant de gens se plaignent de problèmes sans prétention, pendant que ceux que j'aime se promènent en détention. Je lâche une larme, gros méchants qui sont sous terre. Ceux qu'on souffert se reconnaissent dans mes chansons. Tant de gens se plaignent de problèmes sans prétention, pendant que ceux que j'aime se promènent en détention. Je lâche une larme pour mes gens qui sont sous terre. Ceux qu'on souffert se reconnaissent dans mes chansons. Bonsoir à tous et à toutes et re-bienvenue à l'émission Au fond près du radiateur tous les mardis de 19h à 20h30 en direct sur 106.3 FPP. Et on est toujours avec Jeanne, Fatima, Raphaël, Mouloud, Simon et Robinson. Salut. Et puis moi-même, Moustapha. Du coup, aujourd'hui, on voulait vous causer de deux petits points aussi. Il y a eu, la énième violence policière du début de l'année, on est juste en mars en fait, qui a été celle de la mort de M. Chao Yu Liu. Dans le 19e, chez lui, à son domicile, devant ses quatre enfants et sa famille. On rappelle juste vite fait ce qui s'est passé. Il y a des voisins, ils ont appelé parce qu'ils entendaient du bruit et tout ça dans un appartement à côté. Du coup, les flics ont déboulé. C'était des batteurs, en fait, en civil. Ils ont frappé, ça n'entendait pas. Et après, ils ont défoncé la porte, ils sont entrés. Il y avait le monsieur, le papa, qui était dans l'appartement, qui écaillait tranquillement du poisson, en fait, avec un ciseau. Qui sont donc retournés en voyant deux individus en civil rentrer dans son appart et appartement, et apparemment assez violent, avec toujours son ciseau en main. L'un des deux keufs a tiré sur le père en question, en fait. Et maintenant, le keuf prétend que, en fait, le monsieur en question était venu le poignarder et lui avait déjà donné un coup de ciseau, ce que dément totalement toute la famille, en fait. Et là, actuellement, depuis 20h, en fait, il y a un rassemblement devant le commissariat du 19e. Le commissariat Eric Satie, et un rassemblement organisé par les habitants du quartier qui dénoncent aussi ce qui s'est passé. Et la plupart des témoins sont assez unanimes, en fait. Les flics en civil sont rentrés sans brassard particulier, en défonçant une porte alors qu'ils n'avaient pas à la défoncer, et en étant dans le domicile de quelqu'un où ils n'ont pas hésité à tirer direct, sans chercher à comprendre ou à réfléchir. Et pourtant, c'est ce qu'on leur apprend dans leur métier. On leur rappelle qu'ils ont une arme et donc ils doivent garder un certain sang-froid. Et ils sont entraînés pour ça, en fait. Et là, une énième violence policière. Du coup, ça, c'est un chinois. Ça craint, non? Vous en pensez quoi, vous? Mouloud, t'as un mot à dire? Waouh. En un mot, c'est pas... Évidemment, c'est un des crimes racistes, policiers. On sait qu'aujourd'hui, ils ont... L'état d'urgence existe depuis je ne sais pas combien de siècles maintenant. C'est une organisation, c'est un plus, hein, tout est concevable. Et là, le point moins central, je sais qu'ils ont voté la loi encore plus pour que les flics puissent utiliser, comme les gendarmes, leurs armes, etc. etc. Voilà, c'est un cas concret, c'est pas malheureux, c'est manière d'être, on peut tirer, tuer, assassiner. Et je pense que les revendications, c'est pour aussi les flics municipaux, qu'ils aient des armes, qu'ils soient armés. Et je précise que les policiers aujourd'hui ont le droit de rentrer chez eux avec les armes sans être dans leur métier, c'est-à-dire qu'ils rentrent comme un voisin, donc ils grattent chez eux leurs armes, parce qu'au nom des attentats, etc. Donc la multiplication du possible avec les attentats a été énorme. C'est une continuité, voilà. C'est, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que là, le surarmement de ces policiers, etc., a des conséquences. On le voit aussi aux États-Unis, où il y a eu un nombre de morts et qui continue. Et je trouve que c'est, moi, pour moi, c'est le même lien qu'il se passe aux États-Unis. Et on va, si les policiers, je ne sais plus quel sous-policier, vigile, etc., tous ces nombres de professionnels sont armés, il y aura le nombre de morts et, qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, les prochaines années, va être multiplié par 2, 3, 4. Et on sait qui c'est qui est visé. C'est toujours les minorités, c'est toujours les prolos, c'est toujours le peuple, le plus bas, le plus bas et le plus bas. C'est juste ça. Voilà l'impression. Et je pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'est le même principe, avec des petites variances, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et évidemment, voilà, c'est-à-dire qu'on multiplie ça, voilà. Raphaël, tu veux nous en toucher un mot ? Moi, je voulais juste dire, par exemple, ce midi, j'étais au travail, on en parlait avec les collègues, parce que dans la salle de pause, ils nous ont mis BFM TV, on ne peut pas couper, on ne peut pas changer la chaîne, il y a tout le temps BFM TV, donc ça fait péter un câble. Mais là, sur BFM, ils parlaient notamment du rassemblement qui avait eu lieu devant le commissariat hier soir. Dès que les gens du quartier ont appris ce qui s'est passé, ils se sont rassemblés devant le commissariat. Et mes collègues, ils demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y en a quelques-uns, ils avaient suivi et tout. Et direct, les gens, ils se mettent à dire « Ouais, mais il avait fait quoi ?» Parce que, en gros, il y a quelque chose qui pourrait justifier d'abattre quelqu'un chez lui comme ça devant ses enfants, tu vois. Et direct, ils disent « Ouais, voilà, ça a dû se passer dans le 13e, c'est la mafia chinoise et tout, ils font des trucs dans les tours et tout, des conneries, tu vois. » Et en fait, c'est un mécanisme qu'on retrouve très souvent dans ce genre d'histoire, c'est direct, on va essayer de salir la victime, que ce soit les médias ou la police, et la version policière qui est reprise en boucle dans les médias, etc. Et donc ça marche très bien, quoi. La preuve, bah, voilà, dans la tête de mes collègues, y a ça en ce moment, quoi. On a tellement peur de la vérité qu'on cherche toujours à la justifier par autre chose, en fait. Voilà. Et là, je vais enchaîner plutôt avec la TK, à part si Simon et Robinson veulent dire un mot sur ce qui s'est passé là dimanche dernier, ou pas. Simon, non? Robinson, peut-être ? Non plus ? Ok. Bah, du coup. Oui, non, juste ajouter, comme d'habitude, l'instrumentalisation. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les titres à la télévision, genre chinois tué, asiatique tué, c'est jamais voilà, un citoyen, une personne, etc. Enfin, voilà, c'est toujours le même bins. D'ailleurs, il y a un rassemblement, c'est devant le Comico, enfin, plutôt la préfecture hein, du 18e, en ce moment. Et puis, ouais, voilà. Commissariat Éric Satie, hein. Rue Éric Satie, voilà, à toi. Donc en ce moment même, quoi, il y a un rassemblement et on rappelle qu'on est en direct, donc voilà, ça se passe maintenant, vous pouvez y aller si vous êtes dans le coin ou quoi, si vous êtes sur Paris, vous pouvez aller ou ailleurs si vous avez envie. Mais de, ouais, j'ai France 2, chinois tué. De manifester un peu votre désaccord, pour le dire très... Tu vas pas dire africain tué avec ce qui s'est passé. Rassemblement en ce moment dans le 19e devant le commissariat Éric Satie. Et du coup, t'as même le gouvernement chinois hein, qui est en panique et qui aime pas du tout l'histoire. Je sais pas, vous avez vu, hein, quand t'as de l'oseille et du pouvoir, en fait, tu peux faire plein de trucs. Sarkozy, quand il a commencé la chasse aux sans-papiers quand il était président, en fait, bah, il s'est fait convoquer par l'ambassadeur de Chine parce que c'était pas bien de traquer les sans-papiers chinois. Du coup, il a arrêté direct, en fait. Bah oui, il s'est concentré sur les Noirs et les Maghrébins. Et les Syriens, et les Turcs, et toute la clique, quoi. Mais les Chinois, c'est oublié, parce que l'argent, c'est normal, quoi. Là, on va... Après, c'est une population qui subit le racisme aussi, tu vois. Ah, on ne dit pas le contraire ? Elle non, je pense que le truc, c'est qu'il y a évidemment des clichés, et... C'est-à-dire que c'est un tel concentré depuis 20 ans, 30 ans, ciblant sur des populations... C'est, je sais plus qui c'est qui disait la peine de mort elle est abolie, mais dans les faits, dans le réel, elle existe. Oui, effectivement, elle existe, elle a toujours existé, elle n'a jamais été abolie. La peine de mort, par définition, ciblée les pauvres, les populations qui pouvaient le moins se protéger. Elle a été abolie, c'était bien, entre guillemets. Maintenant, dans le réel, voilà, il y a plein d'associations qui ont été montées, plein de luttes autour de ça. Aujourd'hui, le bilan qu'on peut faire depuis 30 ans, en tout cas, c'est que, évidemment, c'est dans les quartiers populaires, évidemment, c'est sur des populations immigrées, évidemment, c'est sur des jeunes, évidemment, etc., etc. Cette réalité-là, elle est le cœur de cible. Mais ce qui a changé, certainement, c'est l'état d'urgence a augmenté la quantité et la qualité de cette répression. C'est et avec des théories qui est autour de l'islam, autour de ce terroriste qui peut être vu, perçu partout. Voilà. Et ça, c'est le point central de cette idéologie. Voilà, c'est la peur. Et effectivement, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que vous avez des gens comme BFM, ils vous sortent la soupe, et ils vous font, ils matraquent la population sur des reportages réguliers sur le même thème, sur le thème de la peur, sur le thème d'une incapacité à penser, à réfléchir. On est dans un média qui est de l'immédiateté, de l'urgence et de la peur. Et on vous vend ça massivement. Ce qui permet plus tard à la police de justifier tout ce qui est possible. Puisqu'en fin de compte, à la fin, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est faux ? Et je trouve que ça, c'est une manière d'informer, de contre-informer les choses. Et après, effectivement, la justice valide ce discours où l'homme policier et le représentant de l'État. Donc, voilà. C'est tout ce que... Merci Mouloud pour ces paroles. Là, on va passer à une autre forme de violence, en fait, qui est tout aussi meurtrière, qui est celle de la rue, celle des SDF, par exemple. En fait, je fais partie d'un centre social auto-organisé, c'est comme ça qu'on s'appelle, la Tiquet. C'est un petit collectif qui est sur Saint-Denis et qui est expulsable à partir du 1er avril, par jugement, en décembre, en fait. Et du coup, cette autre violence, c'est celle des SDF, celle de la rue. Il y a des gens qui sont à la Tiquet et qui vivent, en fait, là-bas, ou qui s'auto-hébergent, si on peut voir les choses comme ça, parce qu'ils ont des problèmes de logement. Ils peuvent avoir d'autres problèmes aussi, ça peut être les papiers, ça peut être le travail, ou d'autres choses. Et tu as d'autres gens aussi qui n'y vivent pas, mais qui participent aussi pleinement, qui peuvent connaître l'un de ces problèmes, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, les papiers, le travail, le logement, ou autre, ou pas connaître de problèmes, mais qui sont sensibles et qui expriment leur solidarité en participant activement au lieu. Il y a une trentaine d'habitants qui habitent toujours dans cet endroit. C'est un ancien centre de sécu à Saint-Denis, sur l'avenue Marcel Samba, au 31, près du square de GTR au niveau du tramway, pas très loin de la gare du RER D et H, et pas très loin de la station de métro Porte de Paris sur la ligne 13. Et du coup, ce vendredi, il y a une grosse soirée de soutien pour ce lieu, une soirée qui risque de durer jusqu'à 6h du matin. En effet, le collectif de la Tiquet a décidé de faire une espèce de piquet de vigie ou de vigilance ou quoi, pour au cas où la police se présente et expulse les gens. Voilà. Du coup, s'il y a des gens qui veulent venir, on les invite à venir vivement. La Tiquet, c'est quoi ? C'est qui ? C'est un endroit qui est issu de plusieurs luttes locales qui existaient avant, en fait, qui étaient beaucoup centrées sur le logement, mais pas que. Il y avait aussi sur les papiers et sur d'autres formes également. Et qu'on décidait d'occuper un endroit, en fait, qui s'appelle du coup la Tiquet, qui est un ancien centre. Ça fait 3 piges et demi à peu près que ça dure. Il y a là-bas pas mal de choses. Il y a des permanences sur les papiers, par exemple, tous les lundis à 18h30, ainsi qu'une permanence sur les problématiques de logement, tous les lundis, pareil. Ces lieux, c'est pas que des permanences dans le sens où il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu ou quoi, qui sont là pour aider. C'est aussi un lieu d'organisation où les gens peuvent s'organiser entre eux pour lutter ou quoi. C'est aussi un lieu où on peut recevoir des conseils, où on peut exprimer sa solidarité. Il y a aussi un atelier d'autoréparation de vélo, il y a aussi un centre de loisirs pour enfants. Il y a également des cours de français tous les mardis soirs. Et pas mal de choses qui se sont déroulées, le blablabar tous les mercredis. Bref, il y a des événements, il y a des soirées de soutien, des concerts. C'est expulsable à partir du 1er avril et il y a une grosse soirée de soutien le vendredi 31 mars au soir avec un piquet de vigie dès 6h du matin. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. On a un appel direct en direct du rassemblement devant le commissariat par rapport à la personne qui s'est fait tuer par la police. Donc on va leur donner la parole. On rappelle donc en ce moment rassemblement devant le commissariat Éric Satie dans le 19e. Donc est-ce que tu nous entends bien? Ouais, je vous entends, ouais. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe là-bas, quoi? Pourquoi vous êtes devant le commissariat? Eh ben là, en fait, du coup, on doit être des choses comme 200. Il y a beaucoup de journalistes pour l'instant et bon, présents entre nous, mais et on est là du coup pour on est là par rapport à la mort de à quelqu'un qui s'est fait tuer par la police du coup hier soir dans le quartier de Belleville. La BAC est venue défoncer la porte chez lui et alors qu'il avait des ciseaux en main la BAC. Et du coup, il y a eu un premier rassemblement hier soir. Et là, du coup, ce soir, avec un appel plus large à venir se retrouver pour contester cette mort-là et la version policière qui l'a accompagnée, qui est vraiment dégueulasse et qui a été contestée tout de suite par la famille. Voilà. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé, les rassemblements hier et aujourd'hui là, comment ça se passe un peu devant le commissariat, quoi? Du coup, pour hier, je pourrais pas trop dire, j'étais pas là, mais plutôt ce que on relaie les médias, c'est que du coup, il y aurait eu 35 arrestations au cours de la soirée et que la tension serait montée après qu'une voiture de flic ait été incendiée à l'entrée de la rue et que du coup, le rassemblement soit parti en affrontement. Là, du coup, c'est ça. Ce qui se dessine plutôt, il y a plein de gens, quelque chose comme 200, plein de gens différents, des gens de la communauté chinoise, des gens du quartier, des gens venus en soutien avec des pulls ou des t-shirts pour Adama, pour Théo. Une banderole qui a été déployée, on y touche chez nous, encore un mort pour rien. Des gens assez différents, pour l'instant ça se rassemble. Il doit y avoir un dispositif de quelque chose comme 10 fourgons de flics qui attendent dans la rue du commissariat et 4 militaires visite pirates, on se demande bien ce qu'ils foutent là sur le côté. Je peux te poser une question? Combien de temps, d'après toi, c'est prévu ce rassemblement? À quelle heure on peut arriver? Et voilà, tu peux dire un peu l'ambiance, s'il n'y a pas trop de keuf, etc. L'ambiance pour l'instant est plutôt tranquille, tout le monde peut venir. Et c'est sur la place Francis Poulin, du coup, qui est à côté de la rue Éric Satie, dans laquelle est le commissariat. Du coup, derrière dans les rues, derrière le métro Jean Jaurès. Le rassemblement était prévu à partir de 8h, du coup il y a déjà du monde qui commence à arriver, c'est possible d'arriver n'importe quand, et plutôt tous les bienvenus sont le bienvenu, soutiens sont le bienvenu. Et voilà, j'imagine que ça va durer assez longtemps, je sais pas trop c'est quoi les modalités qui ont été pensées pour ce rassemblement, mais tout le monde est invité à venir. Franchement, merci de nous avoir donné un peu l'ambiance. Je sais pas si tu veux rajouter un dernier truc. Pourquoi toi, personnellement, t'es venu, par exemple, si tu veux rajouter quelque chose sur le sujet de ton choix pour terminer. Eh ben oui. Donc moi je viens en soutien contre les violences policières, parce que ce soit dans les quartiers, dans les manifestations, la violence policière elle est omniprésente et on l'a subi dans notre quotidien en fait. Et encore plus, c'est que si on est racisé, qu'on est dans des quartiers populaires, et qu'en fait, ça, c'est pas possible. Et qu'aussi, moi, je suis venu aussi pour dire que ça pouvait être chouette de se donner les moyens de pas laisser passer les choses comme ça, et de dire qu'il fallait arriver à se défendre collectivement pour éviter que ce genre de choses arrivent dans les maisons, c'est plus compliqué, mais en tout cas, dans la rue, dans les manifestations, arriver à déjouer les dispositifs de policiers et à faire en sorte qu'on ne soit pas mutilé à chaque fois qu'on sort de chez soi. Bah, merci beaucoup d'avoir été au téléphone. Cette émission se termine. Il nous reste une minute. Et juste pour rappeler, tu voulais dire quelque chose aussi, non? Juste pour rappeler, notamment, il y a un mouvement qui s'organise de plus en plus contre les violences policières, notamment en ce moment, au sens général. Donc on rappelle qu'il y a eu plusieurs recensements qui ont été faits et qu'on s'aperçoit que c'est à peu près en moyenne 15 personnes par an qui sont tuées par la police. Et du coup, il y a plusieurs collectifs. On voulait vous rappeler un peu les noms qui se mobilisent là-dessus. Vous pouvez trouver des infos sur Internet. Il y a le collectif Urgence, notre police assassine. Donc, il y a une page Facebook qui est très suivie. Vous pouvez trouver pas mal d'infos dessus. Il y a aussi le collectif Vivolé, notamment, qui se mobilise sur la question. Et vous pouvez aussi trouver sur la page... La vérité pour Adama, donc c'était autour de Adama Traoré qui a été tué à Beaumont-sur-Oise cet été. Et donc il y a un très fort mouvement là-bas et qui, comme ça se passe en banlieue, notamment avec eux, des banlieusards, qui subit une répression de ouf, notamment au niveau de la famille. Il y a deux frères qui sont aujourd'hui en prison pour avoir demandé la justice pour Adama Traoré, leur frère qui a été tué par la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise cet été. Donc voilà, au fond, près du radiateur, nous, c'est tous les mardis de 19h à 20h30. On est rediffusé aussi le vendredi matin de 7h à 8h30 du matin sur cette antenne Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Mona mwenye.